dans la forêt. Olivier, le fils d'un instituteur, se faisait remarquer par son application à l'étude. Il était, de beaucoup, plus instruit que ses compagnons de classe et savait déjà très bien calculer et dessiner. Par malheur, Olivier tirait vanité de ses petits mérites et ne manquait jamais l'occasion de faire briller ses connaissances aux yeux de ses camarades. Un jeudi, pendant qu'il jouait avec eux sur la grande place du village, trois voyageurs qui semblaient fatigués demandèrent aux écoliers le chemin de la ville. « Suivez cette route plantée d'arbres, » répondit l'un des enfants. « Passez par la forêt, vous arriverez une heure plus tôt, » conseilla le fils du maître d'école. Les voyageurs prièrent Olivier de leur montrer ce passage et de les conduire jusqu'au prochain carrefour. Le petit garçon n'osa pas reculer devant ses condisciples, quoique, à vrai dire, il ignora ce chemin, connu des seuls chasseurs. Il entra résolument dans la forêt, espérant se délivrer au plus vite de ces malencontreux étrangers. Après une demi-heure de marche, ceux-ci commencèrent à murmurer. Olivier, pour se mettre à l'abri de leurs ressentiments et pensant retrouver le chemin qu'il venait de parcourir, se faufila dans un taillis et disparut. Hélas, il ne trouva plus sa route et s'égara dans la forêt. La nuit le surprit dans cette triste solitude, troublé seulement par le hurlement des loups. Olivier, tremblant d'effroi, recommanda son âme à Dieu et grimpa sur un arbre. Bientôt il aperçut de la lumière à travers le feuillage et s'entendit appeler. C'était son père qui le cherchait en compagnie de plusieurs voisins. L'instituteur ramena son fils et aussi les trois voyageurs égarés par sa faute. Il dut loger ces derniers dans sa maison. Olivier, depuis ce jour, n'est plus aussi présomptueux.